صحيح البخاري كي باب العلم قبل القول والعمل. On avait vu, on avait l'asl صحيح البخاري, on avait vu que beaucoup de gens connaissent là. Pourquoi? Parce que c'est une partie rapportée par l'imam Mohamed Al-Wahhab rahmatullah alayh dans l'usul al-thalatha, et il a utilisé. Donc on avait dit aussi que le fiqh de l'imam Bukhari rahmatullah c'était dans tarajum fi tarajumihi, c'est-à-dire dans ses titres. Il a dit bab l'ilm qabl al-qawl wal 'amal, et directement il a ramené ce verset de sourate Mohammed, fa'lam annahu, donc l'ilm, et après wastaghfir, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, donc l'istighfar vient après l'ilm. On avait vu ça ensemble, qu'est-ce qu'on avait vu d'autre par rapport à ce verset là ou par rapport à d'autres versets, Rachid? Sourate Fatir, on avait cité. Donc on a premier sur... s'ils sont pas dans l'ordre, c'est pas un problème. Parce que si on regarde l'ordre, je crois qu'on avait cité d'abord les versets de Sourate Baqara. Mais Sourate Mohammed, verset 19, maintenant tu rapportes Sourate Fatir, tout à fait juste. Innama yakhshallaha min ibadihi. Alors, qu'est-ce qu'on avait rapporté vis-à-vis de ça? Min ibadihi l'ulama. Qu'est-ce qu'on avait rapporté de... On avait fait la distinction entre le khashia et le khawf. On avait dit que le khashia, c'est la définition que Sheikh Uthaymeen donne, rahmatullah alayh. Il dit que c'est le khawf al-mabni ala al-ilm, la peur basée sur une science. Et vous voyez le ta'bir qur'ani comme il est précis, subhanallah. Hein? Donc ça c'est juste, tout à fait juste. Qu'est-ce que tu peux rapporter d'autre par rapport à ce verset-là ou par rapport à d'autres versets ou quelqu'un d'autre? Rachid? Innama. On va dire de manière générale, parce qu'il y a d'autres règles au niveau de la langue grammaire, de la grammaire arabe ici. C'est que quoi? C'est que ici, c'est que ce qui est, ceux qui ont été particularisés, spécifiés, dans le sens qu'ils craignent la résurrection, c'est qui? Les savants. Donc c'est particulier à eux. Et c'est ça le sens général que, si on ne voudrait pas rentrer trop. Sinon, on peut faire ça une fois, Inch'Allah, mais on va s'égarer un peu du cours, Inch'Allah. On peut regarder dans le tafsir de Cheikh Saadi ou de Shinqiti, etc. Par rapport plus à ce verset-là. Tout à fait juste. Donc, c'est quelque chose qui est spécifique aux savants, aux gens de science, qu'ils craignent Allah Azzawajal avec science. Quoi d'autre? Surat al-Ra'd. Verset 19, vas-y. Je te regarde toi parce que je dois parler dans le micro, en fait. الحق ها تفضل رشيد répète le verset. نعم, si tu peux rapporter quelque chose, ou Mehdi, si tu peux rapporter quelque chose aussi sur ce qu'on avait dit par rapport à ce verset là. En vous aidant de la traduction, on avait rapporté la traduction du sens du verset. Qui sait l'aider? C'est important, je pense, ce genre de révision pour ne pas avancer sans avoir revu ces notions-là, qui sont des notions très importantes. On va aller doucement, Inch'Allah, mais l'important, c'est de comprendre, là, hein, de ne pas avancer pour avancer. Vas-y, je t'écoute. Non, tu peux rapporter la traduction. Ou qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ce verset? Parce que bon, maintenant, on a rapporté ce dalil-là, c'est bien, mais ouais, je l'estime là. Pourquoi on a rapporté ce dalil-là? Comment on a... Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle on a rapporté ce dalil-là concernant la mis'ala qu'on étudie ensemble vis-à-vis de la science, de l'importance de la science, de la noblesse de la science, etc. Vas-y, Soufiane. Et l'exemple qui est donné de manière très claire ici, c'est entre qui et qui? Exactement. L'aveugle, pourquoi? Parce que justement, celui qui sait a une clairvoyance, justement. D'accord? Donc l'exemple ici est clair, ça va? Qu'est-ce qu'on peut rapporter par rapport à un autre verset ou d'autres fawa'id? On ne reste pas trop longtemps là-dessus, Inch'Allah, encore peut-être une ou deux minutes, et puis on commence le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Hein? De surat à surat Ali Imran, na'am, barakallahu fik. Qu'est-ce qu'on avait dit ça? Donc le verset que je rapporte peut-être dans le micro ici, c'est Shahid Allahu annahu la ilaha illa. Surat Ali Imran. Donc c'est. Naam, c'est qu'Allah Rabbul Alamin, il a joint l'attestation des savants, des gens de science, à la sienne, subhanahu wa ta'ala, et à celle des anges. Regardez la position des gens de science. Hein? Quoi d'autre? Hadith très barakallahu fik, hadith très très important. Qui se le rapporte en arabe? Man? Hein? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alors j'avais rapporté une petite histoire. Pas une histoire, mais une explication d'un grand savant, grand salaf qui s'appelle Ibn Daqiq al-Aïd. Qu'est-ce qu'il avait dit par rapport? C'est quoi le fiqh fiddin? Qui est un mot qui n'était pas facile à traduire dans le. Qu'est-ce qu'il a, il a rapporté dans le fiqh fiddin? Qu'est-ce qu'il avait, et dans quel livre? On avait cité Fath al-Bari, c'est juste, mais pour autre chose. Tu sais, c'était quoi Fath al-Bari? C'était sur Fath, le ta'rif de l'alim al-Rabbani. Boulogh Maram, n'aam, sahih. C'est Ibn Daqiq al-Aïd, dans son explication de Boulogh Maram, hadith 1466, il avait rapporté quoi? Que le fiqh fi din, c'était la connaissance des bases, le qawaïd, on peut traduire ça par les règles de l'islam, et de l'illicite et de l'illicite, très juste, n'aam. En fait, ce n'est pas un exemple, c'est une compréhension qui nous est donnée par la grammaire arabe ici, dans ce hadith-là, c'est qu'il y a une condition, man. Yurid. Normalement là-bas c'est yurid, mais l'iltiqa sakiné, non. On est obligé de mettre une kasra. Man yurid illahu bihi khayran, yufaqihu fid din. C'est-à-dire que celui à qui Allah veut bien, il apprend sa religion. Donc, celui qui apprend pas sa religion, Allah azza wa jal, ou li'adhu billah, Allah ne lui veut pas un bien. Donc on avait dit qu'Allah fasse, qu'on avait fait une dua, je me souviens, qu'Allah fasse qu'on fasse justement partie des gens à qui il veut un bien, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Très très bonne faïda aussi. Naam. Qu'est-ce qu'on peut rapporter d'autre? Ce sera la dernière, Inch'Allah. On ne peut pas toutes les revoir aujourd'hui. Sinon, on doit faire le même cours que la semaine passée. Naam, Soufiane. Exactement. Et c'était le premier verset qu'on avait cité de la soirée. C'était surat al-Baqarah. C'était. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْآيَاتِ. On avait cité ça, d'accord? Très juste. Barakallahu fikoum, c'est bien, je vois que vous avez retenu, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui, on va pouvoir s'attacher à la deuxième partie. Donc on avait dit qu'est-ce qu'on allait faire, Inch'Allah, comment se baser le cours. Avant de rendre tout ça, toujours pour les gens qui peut-être nous écoutent sur Internet et qui viennent d'arriver, toujours en guise d'introduction au livre de Cheikh Rabi' dans l'Aqida et l'Ittiba, les 21 hadiths qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer, Inch'Allah, dedans. Mais on avait dit qu'on allait faire en guise d'introduction, une introduction sur l'importance, la noblesse de la science. Et qu'on avait pris un livre expliqué par Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, de Al-Hafid al-Hakami. Et on est toujours dedans. Et on avait dit donc d'abord les preuves du Coran, on en a pris 8, on les a vues, c'est fait. Et maintenant aujourd'hui, Inch'Allah, la deuxième partie, on va prendre les preuves de la Sunna. Et Inch'Allah, on va essayer aussi de faire aussi les paroles des salaf. Hein? Et ensuite, on avait dit qu'on allait rapporter un hadith, quel hadith de Arba'in Nawawiya, le numéro 36, expliqué par Cheikh al-Fawzan sur l'importance de. S'asseoir à la mosquée pour acquérir cette science et demander cette science-là. Donc deuxième partie de cette introduction sur l'importance de la science et la noblesse des gens de science, c'est les preuves tirées de la sunna. Donc premier hadith, Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali dit, hafidhahullah ta'ala, ma rawahu Ahmad wa ghayruhu wa ibn Majah min hadith Qais ibn Kathir, haythu qal, qadima rajulun min al-Madinah ila Abi Darda, wa huwa bi Dimashq. فقال ما أقدمك يا أخي قال حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما قدمت لتجارة قال لا قال أما قدمت لحاجة قال لا قال ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث قال نعم قال فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلبه في علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإنه لا يستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وهذا لفظ أحمد. Donc Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali حفظه الله ici nous rapporte un hadith qui est rapporté par Ahmed. Donc on dit rapporté par Ahmed, c'est-à-dire dans le Musnad. Les ulama, quand ils disent rapporté par Ahmed, directement, ça veut dire dans le Musnad. D'accord? donc rapporté par Ahmed et d'autres, et Ibn Majah, c'est-à-dire dans Sunan, Sunan Ibn Majah, qui est un de ces livres de la Sunna. Hein? Il y a d'autres livres de la Sunna, bien entendu, mais ce qu'on appelle parmi les Kutub Sitta, ces six livres qui sont plus particuliers par rapport aux autres, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Nasa, Ibn Majah. D'accord? D'après une narration de Qais ibn Kathir. Qais ibn Kathir, qui dit: un homme vint de Médine à Abu Darda. Qui est Abu Darda? Un sahabi, un compagnon du prophète, alayhi salatu wasalam, parmi les nobles compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam. Donc quand je dis vint, c'est du verbe venir. Hein. Vint de Médine à Abu Darda, à Damas, Dimashq. Et dit à Abu Darda, en fait, dit à Abu Darda, qui dit à l'homme qui vient, en fait. C'est, donc quand je dis dit, c'est Abu Darda. Donc Abu Darda lui dit, que t'as amené ici, ô mon frère? Il répondit, un hadith, c'est-à-dire une traduction prophétique rapportée, dont j'ai entendu que tu rapportais du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, qui, Abu Darda, toujours, tu n'es pas venu pour un commerce? Donc il continue ses questions à l'homme qui vient de Médine jusqu'à Dimashq. Il dit, tu n'es pas venu pour un commerce? Il répondit, non. Il dit, tu n'es pas venu pour un besoin, une nécessité? Donc l'homme répondit, non. Il dit, tu n'es venu que pour demander ce hadith? Tu n'es venu que pour demander ce hadith? Il répondit, oui. Il dit, regardez, subhanallah, directement, il cite un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai certes entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dire, celui qui prend un chemin pour acquérir une science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Et certes, les anges posent leurs ailes en signe d'agrément envers celui qui cherche la science et demande pardon, c'est-à-dire l'istighfar, le fait de demander pardon à Allah, pour le savant, tous ceux qui sont dans les cieux. Et sur la terre, même le poisson dans l'eau. Et la préscience du savant sur l'adorateur est identique à la préscience de la lune sur les étoiles. Et les savants sont les héritiers des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Et les prophètes, alayhimus salatu wassalam, n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham. Ils n'ont pas laissé en héritage de l'argent. Naam, ils n'ont laissé en héritage que la science. Celui qui l'apprend aura pris de complètes et nombreuses parts. P-A-R-T-S, hein? Parts. Cette version est celle rapportée par Ahmed dans son Mousnad. D'accord? Alors ici, cher Zayd Madkhali, Hafdallah, commence ce hadith en disant, il y a dans ce hadith la mise en évidence de trois choses très importantes. On va lire peut-être le texte en arabe ensemble, inshallah. Il dit, Fafi hadal hadith, bayan li thalat masail muhimma. المسألة الأولى فضل العلم وشرف الرحلة فيه. المسألة الثانية شخدوغي أبخي إن شاء الله تكريم الملائكة للعلم وطلابه حيث تضع لهم أجنحتها تواضعا وتوقيرا. المسألة الثالثة تسخير الله للحيوانات في الاستغفار لطلاب العلم وما ذلك إلا لأنهم أهل المعرفة بالحلال والحرام وبالحقوق المتعلقة بما يجوز وما يمتنع وما يحل وما يحرم في كل جانب من جوانب الدين. Donc ici, trois choses importantes. La première, que Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali prend de ce hadith qui est rapporté dans Mousnad l'imam Ahmed, d'après une riwaya de... Non. Qais ibn Kathir, naam. Abu Darda, naam, c'est... Il rapporte l'histoire qui est arrivée entre l'homme et Abu Darda. Donc la première, la préscience de la science et la noblesse du fait de voyager pour l'acquérir. Hein? Donc la préscience, le fadl de la science. Essayez, comme j'ai dit à certains frères après le cours la dernière fois, de ne pas prendre de pas travailler en système de dictée. Vous n'arriverez pas à suivre Allah. Alim. Essayez de travailler plutôt en prise de notes. Hein, comme en cours, essayer de prendre les points importants et même des fois pour les versets, les hadiths, peut-être de noter les références, vous pourrez peut-être, si vous voulez les noter de manière plus complète et revenir plus à l'aise à la maison, inchallah, et ça ferait une révision pour vous à la maison, inchallah. D'accord? Parce que vous risquez de rater les points importants, en fait, justement, en essayant de suivre à la lettre ce que je dis. Donc la préscience de la science et la noblesse du fait de voyager pour l'acquérir. La deuxième, le respect des anges pour la science et ses demandeurs. Car ils, c'est-à-dire les anges, posent leurs ailes pour eux en signe de modestie et de respect. La troisième, chose importante tirée du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les animaux demandent pardon, l'istighfar. L'istighfar, comme Cheikh Al-Uthaymeen nous l'explique dans Sharh Kitab Tawhid, que vous pouvez le retrouver dans plusieurs autres shurah de Kitab Tawhid, je pense notamment à Fath al-Majid, c'est l'istighfar, talabul maghfirah. L'istighfar, talabul maghfirah. C'est pour ça qu'on a traduit ici, demande pardon. Pour les demandeurs des sciences. Et ce, pour l'unique raison qu'ils sont les détenteurs de la connaissance du licite et l'illicite. Et des droits qui découlent de ce qui est permis ou pas. De ce qui est licite ou illicite, en ce qui concerne tous les points de la religion. Ça va ? Donc, premier dalil, c'est dans la sunna, rapporté par qui ? Ahmed, on a dit à la fin, le cheikh il a dit Wallafdu li Ahmada. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le hadith dans ce texte-là, dans cette version-là, comme il est rapporté, cette lafd de ce hadith-là est rapporté dans. C'est-à-dire que peut-être dans d'autres de la sunna, vous allez trouver le même hadith, mais de manière différente, d'accord ? Qui d'autre l'a rapporté ? Ibn Majah, sahih. Qui d'autre ? Il n'a pas cité les autres, il a dit d'autres. Deuxième preuve de la sunna. Là maintenant, ça va être un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc, Cheikh Zayd dit, Hafidhahullah, ma rawahu shaykhan min hadithi Abi Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيب أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قابلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان من أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Donc ici le hadith il est rapporté par les deux cheikhs. Qu'est-ce qu'on veut dire par les deux cheikhs? Le Bukhari ou Muslim, n'am. Donc c'est un hadith muttafaq alayh d'après une narration de Abu Musa, n'am, sahih. Abu Musa al-Ash'ari, noble compagnon, radiyallahu anhu arzah, qui dit, d'après donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'est une très bonne question. Regarde, quand tu analyses la grammaire ici, marawahu shaykhan min hadithi abi Musa. La base dans la langue arabe, c'est que les noms ils sont en rafa, abu. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il est marfou' bil waw. Pourquoi ? Parce qu'il est parmi l'asma al-khamsa, abu. Et en fait, ici, on retrouve Abi parce qu'il est dans la situation du jar. Hein, ce que les orientalistes ils vont appeler le génitif ou là, je ne sais pas. Hein, ça nous est en situation du jar, c'est-à-dire un autre état de la grammaire arabe. Pourquoi ? Parce que le min hadithi, Abi. Hadithi, Abi, il est en situation de mudaf ilayh ici, Abi. C'est pour ça que c'est une règle de grammaire, tout simplement. Des fois, vous allez retrouver Abu, des fois, vous allez retrouver Abi, des fois, vous allez retrouver Abba, comme si je te dis Ya Abba Abdirrahman. Les Arabes ne disent pas Ya Abu ou Ya Abi, ils disent Ya Abba. Abdirrahman. D'accord ? Donc, mais la base, son nom, c'est Abu Musa. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit Abu Musa al-Ash'ari. Or, dans l'arabe, j'ai dit Abi Musa al-Ash'ari. D'accord ? C'est une très bonne question. C'est important au niveau de la langue arabe aussi. Et vous voyez, dès que la précision de la langue arabe, subhanallah, juste parce que c'est Abi, eh bien, on sait que c'est le hadith de Abu Musa al-Ash'ari. C'est une idafa, une affixation, ils appellent ça en français. Hein ? D'accord ? Donc le prophète ça nous explique les différents types de cœurs, hein, et leur acceptation de la science en donnant l'exemple des différents types de terre et leur acceptation de l'eau. Hein? Plutôt de faire une traduction littérale du hadith, j'ai préféré traduire ça comme ça. La première terre est celle, lorsque la pluie y tombe, elle l'accepte. D'accord ? Comme il a dit ici dans le hadith, « qabilat ilma ». Car c'est une bonne terre, on a utilisé le mot ici en arabe, « tayyiba », qui va donner de l'herbe et de nombreux pâturages. D'accord ? La deuxième terre, elle est aride. Le mot aride en français, hein ? Aride. Comme on peut dire un désert aride. Et retient l'eau dont Allah va faire bénéficier les gens car ils pourront en boire et arroser et planter avec cette eau-là, d'accord ? Tandis que la troisième, le troisième genre de terre, est marécageuse. Elle ne préserve pas l'eau et ne donne pas de pâturage ou d'herbe. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, nous donne les trois types de personnes correspondant aux trois types de terres. On dit, subhanallah. Hein? Le premier est celui qui a appris la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la guidance avec laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé. Lui est utile et bénéfique. Donc cette guidance, elle lui est utile et bénéfique. Donc c'est celui qui correspond au premier genre de terre. D'accord ? Non, en fait, c'est le prophète Hassan qui donne un exemple en fait, comme une métaphore, si tu veux, entre certains types de terres et les types de cœurs ou les types de gens qui correspondent à ce type de terres-là, d'accord ? Mais c'est un hadith hein, qui est rapporté dans le Bukhari au Muslim, d'accord ? Donc j'étais où ? J'étais au... Et celui qui a appris la religion d'Allah, la guidance avec laquelle le prophète Sassam a été envoyé, elle lui est utile et bénéfique. Il sait et il enseigne. Alima wa allama. Donc il sait et il enseigne. Tandis que l'autre n'y prête pas attention et n'accepte pas la guidance avec laquelle le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé. On va comprendre ça de manière plus détaillée. Je sais que... Hein, c'est pour ça que j'ai préféré traduire avec le sens et on va voir avec l'explication de Shirzad, ça va plus se clarifier, Inch'Allah. Donc Shirzad explique maintenant ce hadith. Donc comment j'ai traduit ce hadith-là avec le sens hein? J'ai traduit ce hadith avec le sens et maintenant on va vraiment mieux comprendre, Inch'Allah, avec l'explication de Shirzad, quelle est la correspondance entre les trois types de personnes et les trois types de terres, Inch'Allah. Donc Shirzad, qu'est-ce qu'il dit ? فَفِي هَدَ الْحَدِيثِ حَثٌ صريح على طلب العلم وتلقيه للعمل به وتبليغه ونشره وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قلوب الناس كمثل الأرض في قبول الماء وعدم قبوله فشبه من تحمل العلم والحديث وتفقه فيه بالأرض الطيبة أصابها المطر فأنبتت وانتفع الناس وشبه من تحمل العلم ولكنه لم يتفقه فيه كالأول بالأرض الصلبة لا تنبت ولكنها تمسك الماء فيأخذه الناس وينتفعون به وشبه النوع الثالث بالأرض التي هي قيعان سبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ وذلك لأنهم لا خير فيهم إذ ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية فإذا سمعوا لم يفهموا ولم ينتفعوا فتأمل يا أخي المسلم. Ça c'est une nasiha de Shirzad qu'on va traduire, c'est très importante. فتأمل يا أخي المسلم وحرص أن تكون فردا من أفراد الطائفة الأولى الذين شرفهم الله بالعلم والفقه فيه وتبليغه ومحبته ونشره. Donc Shirzad commence ce hadith en disant, donc ça maintenant là l'explication du hadith faite par Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Il y a dans ce hadith une exhortation, un encouragement clair à acquérir la science et à l'apprendre pour l'appliquer et la diffuser et la transmettre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici je réponds peut-être à ta question ici, a illustré les différents types de cœurs des gens en les comparant à la terre, qui accepte ou n'accepte pas. Il a dit ici, hein, fi qabul al-ma'i aw adamihi. Donc, c'est-à-dire que la terre qui accepte ou n'accepte pas l'eau. Il a comparé celui qui porte la science et le hadith, et il a compris, le hadith, il a compris cette science, tafaqqaha fih. Il a dit, à la bonne terre qui, lorsqu'elle est touchée par la pluie, produit des plantes et est bénéfique aux gens. Il a ensuite comparé, donc ça, deuxième type de terre, vous voyez, on va aller première, deuxième, troisième, inchallah, qui correspond au premier, deuxième, troisième type de gens. Donc il a ensuite comparé celui qui porte la science, mais n'est pas arrivé au même degré de compréhension, de fiqh, que le premier. Il fait référence à quel genre de terre ici? Celle qui garde l'eau, mais qui ne donne pas de verdure, de pâturage, d'accord? Regardez, subhanallah. Il dit que le premier a la terre dure, qui ne donne pas de plantes, mais garde l'eau, dont les gens peuvent se servir et leur être bénéfiques. Parce qu'il a la terre à garder l'eau, les gens peuvent s'en servir et leur être bénéfiques. Mais vous voyez bien qu'il n'arrive pas au même degré que... Non. Il a ensuite comparé, alayhi salatu wassalam, le troisième type à la terre marécageuse qui ne garde pas l'eau et ne donne pas de verdure, car il n'y a pas de bien en eux. C'est ce genre de là qui correspond à ce genre de type-là. Wal'iyadu billah, qu'Allah fasse qu'on ne fasse pas partie d'eux. Il n'y a pas de bien en eux car ils n'ont pas de cœur qui garde en mémoire. Comme il a dit ici. Laysat lahum qulubun hafidah wa la afhamun wa'iyah. Regarde l'arabe comment il est beau ici. Très difficile à, cette prose est très difficile à reproduire en français. Donc il dit ici, car ils n'ont pas de cœur qui garde en mémoire, ni d'intelligence ou de compréhension, si vous voulez, al-afham, éveillé, wa'iyah. S'ils entendent, ils ne comprennent pas et ne tirent pas de bénéfices. Regardez la nasiha ici de Cheikh Zayed maintenant. Médite donc cela, ô mon frère en islam. Il a dit ici, Cheikh, ta'ammal ya akhil muslim, wahris, an takuna fardan min afradi ta'ifati l'oula. Cheikh Zayed dit ici donc, médite donc cela, ô mon frère en islam, et désire ardemment, ou fais tout ce que tu peux pour faire partie de la première catégorie. Qu'Allah a rendu noble par la science et la compréhension de cette science, ainsi que sa transmission, son amour et sa diffusion. Et subhanallah, ça me rappelle une parole de Cheikh Al-Uthaymeen dans le Sharh Kitab Tawhid, le Qawl Mufid, qui dit que si tu aimes une chose, tu appelles à cette chose-là. Allahu Akbar. Au contraire, si on n'appelle pas, on va pas dire qu'on est un. Même chacun, il regarde la réponse. Regardez, subhanallah. Il a dit sa transmission, son amour et sa diffusion. Ici, rapporter une petite faïda de l'imam le Baraoui, rahimahullah ta'ala, parmi les imams des salafs, rahmatullah alayh, qui a un tafsir très connu du Coran, tafsir le Baraoui. Il a dit, rahmatullah alayh, on lit, inshallah, la parole du Baraoui en arabe, très très important ici. Et j'aime ce genre de taqasim, ce genre de segmentation de l'ilm. Il dit, qala l'imam Baraoui, rahimahullah, l'ilmu, al-afwan, al-ulum al-shar'iyya, qisman, ilmu al-usul, وعلم الفروع أما علم الأصول فهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والصفات والتصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام فعلى كل مكلف معرفته ولا يسع فيه التقليد لظهور آياته ووضوح دلائله قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية. Elle n'est pas complète. C'est le verset qu'on a utilisé de, vous vous rappelez, surat Mohammed, verset 19. Wa qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Al-aya. Na'am, barakallahu fik, surat Fussilat, verset 53. Surat Fussilat qui fait partie de les... Quel nom on donne à ces surat-là? Al-Hawamim. Donc ici il dit wa amma ilmu al-furu' fa huwa ilmu al-fiqh wa ma'rifati ahkam ad-din fa yanqasimu ila fard 'ayn wa fard kifaya. Amma fard al-'ayn فمثل علمي فمثل علم الطهارة والصلاة والصوم، فعلى كل مكلف معرفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ العلامة أسد السنة بحق محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد فعليه معرفة علمها، مثل علم الزكاة إن كان له مال، وعلم الحج إن وجب عليه. Je finis en arabe pour qu'on puisse consacrer à la traduction, inshallah. وأما فرض الكفاية فهو أن يتعلم ما يبلغ به رتبة الاجتهاد ودرجة الفتيا، فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعا، وإذا قام واحد منهم بعلمه سقط الفرض عن الآخرين وعليهم تقليده فيما يعني لهم من الحوادث. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة النحل. خز بختان فائدة سيد الإمام البغوي رحمه الله تعالى يضي العلماء سي... ما شاء الله كده فوائد. Qu'est-ce qu'il nous dit l'imam Baghawi rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit les sciences islamiques se divisent en deux. Ah, taqsim, un et deux. Qism al-awwal, qism al-thani. La science des fondements, ilm al-usul, et la science des furu'. Comment on va traduire furu'? On va traduire par branche. Hein, ramification. Et si vous voulez, dans le ta'rif, dans l'usul, d'un far'a, c'est man tafarra an asl, c'est-à-dire ce qui découle des fondements. D'accord ? La science des fondements, maintenant il explique, donc on a vu les deux parties, d'accord ? Ilm al-usul ou ilm al-furu'. C'est quoi ilm al-usul et c'est quoi ilm al-furu'? Ilm al-usul il explique et ilm al-furu' il explique. Ilm al-usul, la science des fondements, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala par son unicité et ses attributs et de rendre véridiques les messagers. Alayhi salatu wassalam. Toute personne se doit de connaître cela. Et c'est sur ce sujet, on ne peut pas imiter aveuglément. On a traduit ça, c'est quel mot en arabe ? At-taqlid, na'am, barakallahu fikoum. Si vous voulez, une fois on peut analyser dans la langue arabe, d'où vient le mot taqlid ? Hein ? D'où vient linguistiquement, d'où vient le mot taqlid ? Qallada yuqallidu taqlidan. Car les preuves sont claires et évidentes. Verset, traduction approximative du sens de la parole d'Allah: sache qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité que Allah. Surat Muhammad, verset 19. Al-Aya, elle n'est pas complète l'Aya. Al-Aya, terminez l'Aya. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils leur deviennent évident, afin qu'ils leur deviennent évident que c'est cela la vérité. Surat Fussilat, verset 53. Al-Aya. Il n'est pas complet ici, d'accord ? Donc il a expliqué c'est quoi la science des ilm al-usul et maintenant c'est ilm al-furu'. Tandis que la science des branches, c'est la science de la jurisprudence et des jugements de la religion. Donc suivez-moi dans le taqsim parce que là on va encore diviser en deux. Donc la division des sciences c'est entre ilm al-usul et ilm al-furu'. Ilm al-usul on a vu c'était quoi ? Même ilm al-furu' eux-mêmes ils se divisent en deux. D'accord ? Une partie qui est obligatoire pour tout individu, ce qu'on a traduit par obligation individuelle. Le mot en arabe, c'est qu'on a vu ici, fardo aïn. Naam, sahih, sahih. Fardo aïn. Hein ? C'est-à-dire que c'est l'obligation qui incombe à chaque individu. C'est-à-dire que personne ne peut le faire à votre place. Et si on ne le fait pas, on est en état de péché. Naam. Deuxième partie, c'est une partie qui est obligatoire pour la communauté, ce qu'on appelle une obligation communautaire, na'am, ce qu'on appelle al-fard al-kifa'i, fard kifaya. C'est-à-dire que si quelqu'un s'en acquitte, les autres ne sont pas en état de péché, contrairement à l'obligation individuelle. Si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, vous pouvez revenir à des livres dans l'usul, parmi les, inchallah, les plus accessibles pour les débutants. شرح أصول من علم الأصول أو في علم الأصول ده الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله اللي يكسبيك سكوا الفرض العين في الكفاية سكوا المباح المنهي عنها المستحبة استلاحات دي ان جارغون اتخز امبورتان اكونتر داكور مي سي سا سنو سوفي بور لومون دو سافوار كو فرض العين سي لوبليغاسيون انديفيدويل اي فرض الكفاية سي لوبليغاسيون كومونيتير ستادير كو سي ان بارتي اي الشيخ فايكسبيكي سا انسي ان شاء الله سي كو سي ان بارتي سون اكيت اي بيان Le reste ne sont pas en état de péché. D'accord ? Donc, il donne... Qu'est-ce qui rentre ? Regardez, subhanallah. Qu'est-ce qui rentre dans l'obligation individuelle et qu'est-ce qui rentre dans l'obligation communautaire ? Et c'est important de le savoir. Pourquoi ? Pour s'en acquitter, cette obligation, si on doit s'en acquitter. L'obligation individuelle comme la science de la purification. Ilm al-tahara. C'est une obligation individuelle. Tahara, comment se purifier ? La prière... Le jeûne, somme, jeûne avec un accent circonflexe, hein? Le jeûne, hein? At-tahara. Chacun se doit de connaître cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'acquisition de la science est une obligation qui incombe à tout musulman. C'est ça le sens du hadith. D'accord ? Petite histoire par rapport à ce hadith-là. C'est que Cheikh Al-Albani l'a authentifié, on l'a dit, hein. Cheikh Ibn l'authentifié, rahmatullah alayh, vous pouvez revenir à Sahih Sunan Ibn Majah. Ibn Majah, Cheikh Al-Albani l'a retravaillé. Il y a une édition qui est éditée, yani, qui s'appelle Sahih Ibn Majah. C'est le travail de Cheikh Al-Albani dans Sunan Ibn Majah. Et c'est que il y a certaines versions où il y a un rajout. Et c'est un rajout que vous connaissez et que j'ai vu sur un graffiti il n'y a pas très longtemps ici, sur un mur ici, dans la rue, en anglais. C'est « Utubu l'ilma » Walou bissin. Hein? Chercher la science, même si elle est en Chine. Daif. Hein? Daif. Et vous pouvez revenir, si vous voulez, dans Al-Ahadith al-Da'ifa ou dans Mishkat al-Masabih, premier volume, page 76 ou 76, hein? De Mishkat al-Masabih. D'accord? Al-Ahadith al-Da'ifa, il est dedans. Si je ne me trompe pas, il est dans le premier volume, si je me souviens, si j'ai une bonne mémoire, il est dans le premier volume. Silsila Hadith Da'ifa, elle arrivait à 20 volumes, maintenant elle est complète. D'accord ? Donc, Silsila Hadith Da'ifa, Utlubu l'ilma, c'est quelque chose qui est très répandu chez l'Awam, subhanallah. Utlubu l'ilma, walou, bissin. Chercher la science, même si elle se trouve en Chine. Cette partie-là, elle est da'if du hadith, elle est da'ifa, d'accord ? Elle est faible. Donc, ici, la partie qui nous intéresse, qui est authentique, c'est. Talabu l'ilmi, faridatun ala. Les musulmans. On a traduit ça en disant l'acquisition de la science est une obligation qui incombe à tout musulman. Donc il a rapporté, comme on a dit dans Ibn Majah, c'est-à-dire dans son Sunan, et authentifié par Al-Allama Al-Albani, rahmatullah alayh. Donc ceci rentre donc dans l'obligation individuelle, ainsi que tout acte d'adoration rendu obligatoire par la législation à chaque individu, comme la science de la zakat. L'aumône légale prescrite, hein, pour celui qui a de l'argent. Et la science du hajj, le pèlerinage, si c'est obligatoire pour lui. Personne ne peut l'apprendre pour lui. Il doit apprendre, parce que c'est une obligation pour lui. D'accord ? Donc ça rentre dans l'obligation individuelle. Tandis que l'obligation communautaire, fard al-kifaya, c'est le fait d'apprendre pour arriver au degré d'ijtihad. C'est le fait d'apprendre, important, hein, c'est le fait d'apprendre pour arriver au degré d'ijtihad. On va traduire ça par effort d'interprétation. Et au degré de la fatwa. Vous voyez bien que c'est pas obligatoire pour tant d'individus, c'est pas pour tout le monde. Hein. Si personne parmi les gens d'un pays ne s'en acquitte, ils sont tous en état de péché. Hein? Si quelqu'un s'acquitte de cette obligation, les autres ne sont plus tenus par l'obligation. Ils doivent limiter dans les choses qui leur arrivent et les concernent. Le cheikh ici a utilisé le mot « taqlid ». Il a utilisé le verset ici, quoi ? Lequel ? Qu'est-ce qu'il a cité comme verset ? Quand il y a quelqu'un de science des gens du pays et que les gens ne savent pas, qu'est-ce qu'il doit faire ? « Fas'alou ahla dhikrin kuntum la ta'lamoun » Sourate Nahl, verset 43. Sourate Nahl, les abeilles, verset 43. Et ici, on a terminé la parole de l'imam al-Baraoui. Naam Suleiman. Cheikh, ici, la parole, elle est générale, tu vois. Si tu veux demander si c'est une parole spécifique au pays musulman ou pas, on peut demander un Cheikh, Inch'Allah, ou tu peux demander un Cheikh, Inch'Allah. Ça va? Moi, je me limite à ce que le Cheikh dit ici, Inch'Allah. Qiyas, c'est une analogie. L'ijtihad, c'est de faire l'effort d'interprétation. L'analogie, il y a plusieurs types d'analogies. Tu vois, c'est traité dans le règne de l'Ossoul, mais de manière générale, c'est par exemple qu'on n'a pas, on n'a pas un texte sur une mis'ala, d'accord, sur une affaire, mais il y en a une autre affaire sur laquelle on a un texte et la raison est identique. Donc les ulama, ils vont donner à la deuxième affaire le même hukm que la première parce que la raison est identique. Si je peux te résumer ça comme ça, vraiment, de manière, il faudrait même plusieurs cours juste sur le qiyas. D'accord. Si tu veux revenir dans le qiyas, tu peux revenir à Usul min ilm Usul, comme on avait dit, de Cheikh Al-Uthaymeen, ou bien al-Waraqat. Cheikh Al-Uthaymeen a fait une explication, Masha'Allah, de al-Waraqat. Le Cheikh, il est connu dans l'Usul, il a une tariqa, Masha'Allah, pour expliquer à des gens comme nous qui sont débutants. Il a bien expliqué ce genre de choses-là, d'accord. Fika barakallah. Volume 1. Donc le frère ici en fait demande c'est quoi le numéro du hadith dans Sahih al-Bukhari concernant le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari qu'on a cité. Donc ici le Cheikh dit, Cheikh Zayd dit volume 1, page 22, numéro 79. Mais attention, Cheikh, quelle édition il fait référence, il ne la cite pas ici. J'ai pu regarder en général dans comme Sahih al-Bukhari ou Fath al-Bari, tu vas trouver un glossaire des hadiths à la fin. Et tu peux regarder avec le début du hadith ou avec le transmetteur, Inch'Allah. Et Muslim, dans Kitab al-Fada'il, hadith 2282. Très bon exercice aussi d'apprendre à chercher les hadiths dans les livres de hadith. Donc ici, on a fini la parole de l'imam al-Baghawi. Il a rapporté quoi? Une faïda sur ilm al-usul et ilm al-furu'. Et quel ilm al-usul, c'est quoi? L'ilm al-furu'. Il a donné la définition aussi. Il a divisé encore en deux ilm al-furu'. En disant que, vous voyez que ilm al-usul, il est obligatoire à tout le monde. Ilm al-furu', il y a des choses obligatoires qui sont d'une obligation individuelle et d'autres qui sont plus du ressort de l'obligation communautaire. Donc ici, on a fini la parole de l'imam al-Baghawi, rahmatullah alayh. Et on a fini l'épreuve de la sunna sur... je vous ai dit qu'on en a rapporté peut-être deux. On a une troisième en fait. Mais pourquoi je ne vous la rapporte pas maintenant? Parce que ça va être le hadith numéro 36. Donc on va le rapporter une fois plutôt que le rapporter deux fois, hein, et de se répéter. Et en plus, on aura, inshallah, l'explication sur le Fawzan. Donc ici maintenant, troisième, si vous voulez, partie d'épreuve sur l'importance, la noblesse de la science, l'obligation de la science et de la préscience des gens de science et de la science, c'est les paroles des salaf salih, des plus prédécesseurs. Et j'en ai pas choisi beaucoup, juste quelques-unes qui sont révélatrices, alhamdoulilah, ça nous suffit, inshallah. C'est la parole, la première de Al-Hassan al-Basri, rahmatullah alayh. Subhanallah, quand on dit son nom, les cœurs, ils changent, subhanallah, rahmatullah alayh. Donc ici, l'imam, je lis d'abord en arabe, inshallah, et ensuite on traduit ensemble. Al-Hassan al-Basri, il a dit, « Qawl al-Hassan al-Basri, rahimahullah, man talab al-ilma, yuridu bihi ma'inda Allah, kana khayran lahu, mimma tala'at alihi shams. » Al-Hassan al-Basri, il a dit, rahmatullah alayh, « Celui qui apprend la science, en ayant pour intention la récompense d'Allah, yani pour rien d'autre, pour Allah subhanahu wa ta'ala. » Ici, on a dit dans la parole « ma'ind Allah », c'est-à-dire la récompense d'Allah, « ceci est meilleur pour lui que tout ce sur quoi le soleil a vu le jour », c'est-à-dire pour que n'importe quelle chose au monde, c'est ça le sens de la parole ici. Subhanallah, regardez comment le Hassan al-Basri l'a résumé, très simplement. كلام سلف قليل ولكن قوي وكلامنا كثير ولكن الله مستعان. Donc c'est meilleur lui, retiens, c'est meilleur pour lui que n'importe quelle chose au monde, tout simplement. Mais si tu veux plus, de manière plus littérale, c'est meilleur pour lui que tout ce sur quoi le soleil a vu le jour. Deuxième parole. قول سفيان في تفسير الجماعة. Bonne question. Je ne sais pas justement. Est-ce que c'est Soufiane ibn Uyina, Soufiane... Je me suis posé la même question que toi. Soufiane ibn Uyina, Soufiane Thawri, Allah alam akhi. On peut poser la question à Cheikh Zayd, rahmatullah. لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. Il a expliqué le sens de la jama'a dans le hadith. Hein? Il a dit, qu'est-ce que la jama'a? Si un faqih, un jurisconsulte, était seul au sommet d'une montagne, il serait à lui seul la jama'a. Regardez l'importance du fiqh fi d-din. Je peux citer le troisième, inshallah. Donc le troisième, la troisième parole parmi les paroles des salaf salih, Al-Hassan ibn Salih. Al-Hassan ibn Salih, rahmatullah alayh, a dit لأن الناس يحتاجون إلى هذا في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. الله أكبر. Qu'est-ce qu'il a dit Hassan ibn Salih? Il a dit, car les gens ont besoin de cela, c'est-à-dire la science, na'am, l'ilm, pour leur religion, comme ils ont besoin de nourriture et de boisson pour leur dunya, pour leur bas monde, leur vie. Dernière parole, inshallah. Terminons en beauté avec Imam Shafi'i, rahmatullah alayh. Hein? Il dit, قول الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. Imam Shafi'i a dit, rahmatullah alayh, la demande de la science est meilleure que la prière surrogatoire, c'est-à-dire non obligatoire. Nafila. Tout le monde connaît le nafila, le nawafil. Donc vous voyez, subhanallah, maintenant, Annie, c'est très clair l'importance de la science et la noblesse et la préscience de la science et des gens de science. Après avoir vu les 8 versets du Coran, l'explication de Cheikh Zayd, après avoir vu 2 hadiths avec l'explication de Cheikh Zayd, la parole de l'imam al-Baraoui, ensuite après avoir vu, quoi, 4 paroles de salaf, na'am, Hassan al-Basri, Soufiane, Hassan ibn Salih et Shafi'i. Hein? Maintenant c'est wadih. Pourquoi tout ça en a rapporté? Quel est le rapport avec le livre de Cheikh Rabi'a qu'on va faire dans l'Aqida? Ben, tout ça c'est pour se motiver, pour connaître l'importance de ce qu'on fait d'abord avant de le faire. Alors deuxième partie de l'introduction, point B. Je sais que c'est un peu difficile dans la ramification de suivre, inchallah, mais c'est un bon exercice à la maison, inchallah, de synthétiser ça. Hein? D'essayer sur une feuille, juste de remettre tous les titres. Vous allez voir s'il y a quelque chose qui manque ou pas. Et ensuite, après avoir mis les titres sur une feuille, hein, un peu comme on faisait à l'université ou certains d'entre vous font encore à l'université, essayez de voir si vous arrivez à expliquer un peu chaque site, chaque titre. Et s'il vous manque des titres par rapport à vos notes ou pas. Hein, c'est important l'esprit de synthèse, très important. Donc deuxième partie, les bienfaits des assises à la mosquée pour la science. Et on avait dit qu'on allait se baser sur une explication d'une partie du hadith numéro 36. Enfin, la partie qui nous intéresse, c'est la dernière partie sur les assises de science dans la mosquée. Avec l'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Donc je lis d'abord en arabe, inshallah, et ensuite on traduit ensemble, inshallah. Donc la partie, le hadith numéro 36, la partie qui nous intéresse ici, c'est من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه به طريقا الى الجنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيه عفوا بينهم الى نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده الحديث jusqu'à la fin du hadith. Mais c'est cette partie là qui nous intéresse plus particulièrement. Donc ici le hadith est rapporté par Muslim son authentique d'après une riwaya de Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardah. la partie qui nous intéresse dans le hadith est à sa fin où le prophète sallam dit « Et celui qui prend un chemin pour acquérir une science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. » Et lorsqu'un groupe de gens se regroupe dans l'une des maisons d'Allah, et on va voir dans le charh, c'est les mosquées, pour y lire le livre d'Allah, le Coran, on va le voir dans le charh aussi, et l'étudier ensemble, l'apaisement descend sur eux et la miséricorde les couvre. On le sent dans ce genre d'assises ici, on est dans une mosquée, parmi les mosquées, Bayt min Buyutillah, subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, on le sent, dès qu'on s'assoit, qu'on commence, on dit alhamdulillah, on est ensemble, notre frère, on apprend la science, on est en train d'étudier. Vous sentez tout ça, subhanallah. Et la miséricorde les couvre et les anges les entourent. Et Allah les cite, où ça ? Fil mala'il a'la, aux anges, c'est-à-dire aux anges. Cheikh Al-Fawzan commente ce passage du hadith en disant, et maintenant on lit d'abord le texte en arabe de Cheikh Al-Fawzan, il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, et cette explication de Cheikh Al-Fawzan, qui s'appelle de Sharh Arba'in Nawawiya, Al-Minhatu Rabbaniya fi Sharh Al-Arba'in Nawawiya, il est disponible ici en vente, pas très loin d'ici, je peux vous le montrer, vous pouvez l'acheter, Inch'Allah. Et c'est bien peut-être pour les frères qui ont un peu de difficulté en arabe, parce que tout le livre est vocalisé, il y a toutes les voyelles. C'est un bon livre pour apprendre, pour entraîner sa lecture et pour entraîner aussi son arabe et en même temps apprendre la religion. Et surtout l'Arba'in Nawawiya, vous connaissez l'importance de ces 42 hadiths-là. Hein? Donc, Inch'Allah, ce serait peut-être bien de l'acheter. Et vous allez voir que Cheikh Fawzan, il va dire une petite parole à un moment qui va inciter à l'achat des livres. Hein? Cheikh Fawzan dit « Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman ya'ni al-ilm shar'i al-dini أما سلوك الطريق العلمي للعلم الدنيوي فهذا مباح ولكن سلوك الطريق العلمي الشرعي هذا مشروع قد يكون واجبا أو مستحبا وسلوك الطريق يشمل الطريق الحسي بأن يسافر بأن تسافر وترحل لطلب العلم ويشمل الطريق المعنوي بأن تقرأ وتحفظ وتتفهم النصوص وأن تتفهم النصوص من الكتاب والسنة هذا سلوك لطريق العلم شراء الكتب النافعة القراءة فيها والتأمل فيها ودراستها على العلماء هذا من سلوك الطريق لطلب العلم وهو طريق معنوي. Je lis l'explication complète, inshallah. قال سهل الله له به طريقا إلى الجنة لأن العلم الشرعي هو الذي يبين الطريق للجنة فالعمل الصالح وترك العمل السيء طريق إلى الجنة ولن تسلك طريق الجنة إلا بالعلم الشرعي الذي تعرف به المشروع من غيره فقد تجتهد في عبادة أو في شيء وهو طريقك إلى النار والعياذ بالله كالبدع والمحدثات والخرافات ولاجتهدت الليل والنهار فأنت تسير إلى النار والعياذ بالله أما الطريق الذي يؤدي إلى الجنة فهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآيات la fin du verset c'est ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سورة الأنعام verset 153 فالله سبحانه وتعالى لم يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى تقليد فلان وفلان أو للاستحسانات النفسية إنما شرع لنا طريقا مستقيما هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعليك أن تلزم هذا الطريق فإنه يؤديك إلى الجنة قطعا أما ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤديك إلى النار فاتركه قال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده شيخ فوزان دي اكسبليك دي وهذا فيه أن طلب العلم ينبغي أن يكون في المساجد لأنها بيوت الله ومأوأ الملائكة وفيها السكينة والرحمة فينبغي أن يكون طلب العلم في المساجد لا في المخيمات ولا في الاستراحات ولا مانع أن يكون هناك مجلس علمي أو هناك مدرسة يدرس فيها العلم. ici une petite faute dans la طبعة ils disent مدرسة mais petite faute de frappe. Madrasatun yudrasu fiha al-ilm, lakin al-masjid afdal. مهما أمكن أن تكون الدراسة في المسجد فذلك أفضل وإذا كان هناك مجلس علمي منضبط فلا بأس لكنه أقل أفضلية من المسجد وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يعني المساجد يتلون كتاب الله يقرؤونه ويتعلمون قراءته على الوجه الصحيح ويحفظونه لأنه هو أصل العلم ويتدارسونه بينهم أي يفهمون معانيه وليس المقصود الحفظ فقط وأنك تحفظ القرآن وتتقنه بالقراءة العشر لا هذا وسيلة وليس هو المقصود والمطلوب أنك تتفهم وتفقه معانيه وتعمل به أولا تقرأه ثانيا تفهمه وثالثا تعمل به والعمل بالقرآن هو المطلوب ولكن حفظه وتجويده وتفهم معانيه وتفسيره على الوجه الصحيح هذه وسائل العمل بالقرآن الكريم قوله إلا نزلت عليهم السكينة الهدوء والطمأنينة والراحة قوله وحفتهم الملائكة الملائكة تؤيد المؤمنين تنزل على طلبة العلم تؤيدهم وتدفع عنهم الشياطين وتعينهم حفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم فلا ينفذ إليهم شر ولا أحد وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى فيذكرهم الله ذكر تشريف ويخبر بهم الملأ من الملائكة ويباهي بهم ملائكته فهذا يدل على فضل طلب العلم ووجوب إعطائه كثيرا من الوقت والعناية فمن كان يريد هذه المزية فليعطي من وقته ومن جهده لطلب العلم على أهل العلم وفي بيوت الله عز وجل ويعمر بيوت الله بطلب العلم. الحديث الشيخ continue l'explication on va s'arrêter là parce que la partie qui nous intéresse ici c'est sur le fait de s'asseoir dans les mosquées donc on fait la traduction j'ai préféré lire le texte en arabe en une fois pour éviter de vous couper dans le français donc ici Cheikh commence ce passage en disant celui qui prend un chemin pour acquérir la science c'est-à-dire la science religieuse la science de la législation islamique Donc, tandis que le fait de prendre un chemin pour acquérir une science parmi les sciences du bas monde, une science non religieuse, est moubah. Encore une fois, pour connaître le vrai sens du moubah, revenez au ilm al-usul, hein, comme on a dit sur l'Athémine, le moubah, si on peut vite expliquer, c'est si tu le délaisses, tu n'es pas en état de péché, et si tu le fais, tu n'es pas récompensé. Vraiment, de manière très, très, très, très résumée. Hein. Donc, le moubah, quelque chose qui est autorisé, tandis que le fait de prendre un chemin pour acquérir la science est légiféré. Donc le premier, il est moubah. Et le deuxième est légiféré pour la science islamique. Cela peut être tantôt obligatoire ou tantôt préférable. Shira di wajib ou mustahab. Et subhanallah, ça revient un peu à ce qu'on a dit, on a porté de l'imam al-Baraoui, rahmatullah alayh. Le fait de prendre un chemin englobe, et c'est une très belle faïda que Cheikh rapporte, qui est, en arabe on sent plus déjà qu'en français, le fait de prendre un chemin, man salaka, tariqan, le fait de prendre un chemin englobe le chemin al-hissi, al-tariq al-hissi. Qu'est-ce que ça veut dire al-hissi ? C'est-à-dire un chemin physique, palpable, concret, un vrai chemin. Contrairement au chemin ma'nawi. Donc ici le hadith, il englobe les deux. Chemin, al-tariq al-hissi, concret, ou al-tariq al-ma'nawi. On peut traduire ça par abstrait si on veut. Le Cheikh va expliquer ça, Inch'Allah. Il dit le chemin concret, al-tariq al-hissi, le fait de voyager et de se déplacer pour la science, et le chemin abstrait, al-tariq al-ma'nawi, c'est le fait de lire et de mémoriser et d'essayer de comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Donc là, vous voyez mieux la différence entre les deux. Mais le hadith englobe les deux types. Les deux types de chemin. Hein? Et c'est cela le fait de prendre un chemin pour acquérir la science. Il revient à la citation de Cheikh Fawzan pour acheter des livres. acheter des livres bénéfiques. Ça fait partie, regardez, subhanallah, tu achètes des livres bénéfiques, et bien tu es en train de prendre une voie pour acquérir la science, et Allah te facilite une voie vers le paradis. Allahu Akbar. Subhanallah. Acheter des livres bénéfiques, de les lire, et de méditer leur contenu. Et là, vous pouvez plus dire que je fais la pub pour ma maktaba. Hein. Elle est plus là. Hein. Et de méditer les contenus, et de les étudier chez les savants. Ceci est une manière abstraite, si vous voulez, ma'nawi, de prendre un chemin vers la science. La parole qu'on a dit, Allah lui facilite une voie vers le paradis, car la science religieuse met en évidence, comme il a dit cher ici, vers la voie. Met en évidence la voie vers le paradis. Donc je répète la phrase, la science religieuse met en évidence la voie vers le paradis. Les actions vertueuses et le délaissement des mauvaises actions sont la route vers le paradis. Alaykoum salam. Et tu ne pourras prendre le chemin vers le paradis qu'à l'aide de la science religieuse, par laquelle tu distingueras ou tu feras la distinction entre ce qui est légiféré et ce qui ne l'est pas. Non. Car il se peut que tu fasses des efforts dans une adoration ou autre, alors que celle-ci est la route vers l'enfer, wal'a'udhu billah. Car ce n'est pas une voie légiférée qui ne t'amène pas au paradis, mais t'amène en enfer. Comme quoi? Comme les innovations. Regardez les efforts que des gens d'innovation font dans les innovations, et ils font que se rapprocher de l'enfer, wal'a'udhu billah. L'importance de l'ilm. Pour connaître le sunnah du bid'a, pour connaître le tawhid du shirk, pour connaître la différence. Comme le cheikh l'a dit, il a résumé très bien ça, il a dit « Hafidahullahu ta'ala, wa jazahullahu anna wa an jami'il muslimina khair al-jaza » Il a dit quoi? Il a dit « Ce qui est légiféré, ce qui n'est pas légiféré. Si tu n'as pas l'ilm, comment tu veux savoir, ya akhi? Oh, ya ukhti, comment tu veux savoir ?» Il a dit donc ici, comme les innovations religieuses et les inventions, hein? Même si tu fais des efforts jour et nuit, tu vas vers l'enfer. Tandis que la route qui t'amène au paradis, c'est celle avec laquelle est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La traduction approximative de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u as-subul fa tafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. C'est tandis que la route qui et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. Faites tabi'u. Et directement après, voilà, tabi'u s-subul. Il y a un ordre, un interdit. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Hein? Et on pourra consacrer un jour, inshallah, un cours là-dessus, sur le hadith rapporté par Aïcha. Hein? Le hadith est dans le hakim, le mustadrak de l'hakim. Quand il a tracé un trait au sol, vous vous souvenez? Tout le monde connaît hadith, hein? Très très important, hadith très très très important, inshallah. Il est très important et qu'on pourra peut-être voir un jour, inshallah, ensemble. Pour ne pas s'écarter, on revient ici, donc, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Surat al-An'am, verset 153. Je vous conseille de revenir au tafsir encore une fois. Le Baraoui, Ibn Jarir, Sa'di qui est plus facile pour nous les débutants, parce qu'il fait tafsir bil-ma'na, Ibn Kathir, etc. D'accord? Allah ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes, ni à l'imitation aveugle, taqlid d'un tel ou d'un tel, ni à notre appréciation personnelle, l'istihsanat, al-nafsiyah. Mais Allah nous a légiféré un chemin de rectitude. Et c'est celui avec lequel est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tu te dois donc de le suivre. Tu te dois donc de suivre cette voie, car elle t'amène au paradis, de manière certaine. Tandis que ce qui transgresse, il va à l'encontre de la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, t'emmène en enfer. Tu te dois donc de la délaisser. Il y a dans la suite du hadith le fait qu'il convient que la demande de la science se fasse dans les mosquées, car elles sont les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le refuge des anges. S'y trouvent dans la demeure d'Allah, l'apaisement et la miséricorde. Comme il a dit cher ici, fiha sakina wa rahma. Il convient donc que la demande de la science se fasse à la mosquée, ni dans les camps, al-mukhayyamat, les campings, hein, ni dans les lieux de détente. Il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait une assise de science, hein, dans ces endroits-là, ou qu'il y ait une école où apprendre la science. Mais la mosquée est meilleure. Qu'il y ait une assise de science conforme aux règles n'est pas un problème. Mais à la mosquée, c'est mieux. Et dans ce hadith, lorsqu'un groupe se regroupe dans une des maisons d'Allah, c'est-à-dire les mosquées, pourrait réciter le Coran. C'est-à-dire le lire et apprendre sa récitation de manière correcte, tajwid, hein, et le mémoriser, al-hifd, hifd al-Qur'an, car il est la base de la science. Hein, et là, on a un problème, parce que quand vous regardez le nombre de hafad qu'on a, il y a un gros problème, et on dit qu'on aime le Qur'an. La parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, où on est par rapport à hifd al-Qur'an? خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. Car il est la base de la science. Pour qu'ils l'étudient entre eux, c'est-à-dire qu'ils comprennent son sens et ce qui est voulu ici, ce n'est pas uniquement sa mémorisation, non? De mémoriser le Coran et de maîtriser les 10 lectures du Coran, c'est pas ça qui est voulu ici. Ceci est un moyen, bilashak, c'est un moyen, c'est une wasila. Mais ce n'est pas le but. C'est quoi le but? Ce qui est voulu est que tu essaies de comprendre son sens et que tu le comprennes et le mettes en pratique. C'est ça, le fait de mémoriser le Coran et d'apprendre sa lecture et d'apprendre, hein, et d'apprendre ses sens, etc. Pourquoi? Pour que ce ne hujja alayna, pour que ce ne preuve contre nous. Là, ça, je suis sorti de la parole du Cheikh Fawzan, là. Hein? Pour que ce ne hujja contre nous ou le hujja pour nous, subhanallah. Donc, Cheikh, il dit trois points. Vraiment, là, je vous conseille de le noter, parce que c'est vraiment la synthèse de tout ce qu'il a dit là. Premièrement, que tu le lises. Qu'on lise le Coran. Deuxièmement, quand tu le comprennes. Et troisièmement, que Naam, barakallahu fik, que tu le mettes en pratique. Naam. Donc, qu'on le lise, qu'on le comprenne et qu'on le mette en pratique. Ce qui est voulu, c'est de mettre en pratique le Coran. Tandis que la mémorisation, sa psalmodie, tilawa, tilawa al-Qur'an, et la compréhension de son sens et son explication correcte sont des moyens qui amènent à mettre en pratique, à appliquer le Saint-Coran. L'apaisement descend sur eux. Hein? C'est-à-dire le calme, l'apaisement. Les anges les entourent. Wahafatum al-Malaika. Les anges aident les croyants. Le malaika, comme il dit Cheikh Rashid, tu'ayyidul mu'minin. Ils descendent pour aider les demandeurs de science et repousser les démons. Allahu Akbar. Cheikh Fawzan rapporte ensuite que dans le fait d'Allah, le fait qu'Allah les cite aux anges auprès de lui, il y a un anoblissement de la demande de science. Allahu Akbar. Wa dhakarahum Allahu fi man 'indah. Regardez quel sharaf, quelle noblesse. Quelle noblesse. De quoi? Juste d'être un demandeur de science. Juste d'être assis, comme inshallah, on demande qu'Allah Azza wa Jal rentre dans ce hadith ici, on est dans la mosquée, entre frères en Allah Azza wa Jal, hein, et il y a des gens qui nous suivent sur internet, qu'on soit ici dans cette mosquée, pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour essayer de la mettre en pratique, inshallah. Regardez le ni'ma, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, d'être à ce moment-ci, à cet endroit. Et ça, c'est qu'un tawfiq d'Allah Azza wa Jal. Ça ne vient pas de nous. C'est Allah qui nous l'a permis, qui nous a voulu ce bien-là. Tout le bien revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a dit quoi? On a dit que il y a un anoblissement de la demande de la science et une obligation de fournir beaucoup d'efforts et de temps dans cette demande. Chérie, ici, écoutez bien. Celui qui vient, qui veut atteindre cette distinction, hadi al-maziyya en arabe, al-maziyya, hein? Cette distinction se doit de donner une partie, se doit, yajibu alayhi, le mot en français il est faible, yajibu alayhi, il a dit Cheikh, de donner une partie de son temps et de ses efforts pour l'acquisition de la science auprès des gens de science, dans les mosquées, pour remplir les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là c'est clair, on ne peut rien rajouter par rapport à ce qu'il a dit Cheikh Al-Fawzan, kalam wadih. On demande qu'Allah Azza wa Jal nous permette cela, qu'il nous facilite cela. Nasallahu alayhi wa sallam, tawfiq wa sadad lil jami'. Je pense qu'on va arrêter peut-être ici aujourd'hui, inshallah ta'ala. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. نعم. في حديث آخر يعني في الأثر قلت يعني طلب العلم يعني فردة مع كل مسلم. أريد أن أعرف يعني ما الفرق بين الواجب والفرض. Ici, revenez plus à la parole de l'imam al-Baghawi qu'il a donnée. Il a expliqué c'est quoi la différence. Il a dit, al-usul, c'est ce qui est obligation individuelle. D'accord ? Ensuite, il a expliqué al-furu', il a dit que même là-dedans, il y a une obligation individuelle. C'est-à-dire quoi ? Ce que tu as besoin dans ton din, par exemple, tahara, tous les musulmans doivent prier obligatoirement. Pour prier, tu as besoin d'être en état de purification. Donc tu dois connaître la prière, tu dois connaître l'état de la purification, et tout ce qui tourne autour de cela. Tu as de l'argent, tu dois donner la zakat, tu dois donner... Yani, et après, je vais t'apporter une parole de Shirzad qui me revient en tête, qu'il avait donnée dans un cours sur Pal Talk. Et tu dois, par exemple, si tu veux faire le hajj, si tu as les moyens de faire le hajj, tu rentres dans les conditions, bah, tu dois connaître le hajj. Sinon, comment tu veux faire le hajj si tu ne connais pas le hajj? Tu vois, ça rentre dans l'obligation individuelle. D'accord ? Et Shirzad al-Madkhali, et ça peut-être plus t'éclairer, il a dit que dans l'obligation individuelle rentre la science de l'aqida. Tu vois ? Et ce que tu as besoin dans tes ibadat. Et ce que tu as besoin dans tes mu'amalat. Ça, c'est la réponse de Shirzad qu'il avait dit dans un cours sur Pal Talk. Que... Ça va ? Ça répond, Inch'Allah ? Non, ça, on rentre dans l'usul. Non, ici, il a le fard l'ayni, le fard l'kifa'i. Yani, qu'est-ce qui est wajib pour toi de manière individuelle et qu'est-ce qui est wajib pour toi dans le sens communautaire, c'est-à-dire que si une partie le fait, tu es dispensé, exactement, c'est le bon mot en français, tu es dispensé. Et si une partie le fait pas, ben, le péché retombe sur tous. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas acquittés du wajib, de l'obligation. Tu vois ? D'accord ? Ça va ? Comme par exemple la prière du mort. Par exemple ? Je ne voulais pas rentrer dans les exemples parce qu'il y a certains points à redire. Les ulama disent que c'est fard kifaï, kada, kada. J'essaie de rester, de coller le plus à la parole du shir. Parce que si on rentre dans l'improvisation, on rentre dans les erreurs possibles, tu vois ? Hein ? D'accord ? Mais tu peux revenir, je t'ai donné des sources pour que tu reviennes. Inch'Allah, c'est une très bonne question, Inch'Allah. Mais on pourra, Inch'Allah, un jour faire ça. Cheikh Al-Uthaymin, Usul, qui lui-même a fait, c'est son propre livre, qui lui-même a fait l'explication. Hein, et aussi, tu peux peut-être revenir à l'Ouraqa. Il y a tout l'ilm Al-Usul en général, les Kutub Al-Usul, tu peux revenir de manière générale. Ou bien les livres d'Antalab Al-Ilm. Et par exemple, comme Kitab Al-Ilm que j'avais cité, on va traduire quelques passages ensemble, Inch'Allah Ta'ala. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, il est déjà un peu tard et ça fait une longue journée, mais je pense qu'il y a des frères qui vont travailler demain tôt, Inch'Allah. Il y a le Fajr qui est très tôt, il est à 5h maintenant en Jama'a ici. Iqama se fait à 5h du matin. Barakallahu fikoum wa ahsanallahu ilaykoum. Et on remercie les responsables encore une fois de la mosquée de nous avoir donné l'opportunité de faire ce cours ici. Wa hafidhakum Allah.